change, this is Jay every day. I never change, this is Jay every day. I never change, this is Jay. Je convoitise la musique pour ne pas finir dans la mouise. Je n'ai pas encore atteint ma terre promise comme Moïse. C'est dans le fond des mots, je viens abuser ma richesse. Ils courent tous après la gloire, mais ne récoltent que la sécheresse. Jamais à la traîne, j'écris des thèmes et des poèmes. Ma musique réconcilie le PSG avec l'OM. Je m'adapte à toutes les saisons comme un ours polaire. Je parle argot comme je parle la langue de Molière. Évasion comme l'écriture ou parfois je me vante. Avec comme horizon, faire briller le score des ventes. J'y perds mes pensées. Tout ce que j'ai pu dépenser, toute la haine que j'ai, comment je pourrais m'en débarrasser. Ma musique c'est quoi? Un frisson dans les veines. Un mélange de quelques grammes de chaleur humaine. Un voyage de métaphore jusqu'au bout du monde. Mon hal vagabond, ouais je vagabond. Je monte dans le wagon avec mon hal vagabond. Là c'est morsaille de truand de la galère, on fait que de vagonder. C'est pour tous ceux qui veulent partir en vacances. Je représente l'Algérie, le pays d'avance. De Marnia à Oujda, de Tlemcen à Ouara. Héro, c'est un pays trop hala. C'est pour ceux qui boivent un thé en bord de mer. Écoute du chef Mahazni pour les anciennes. Les anciens sont derrière moi. La cité je l'emmène avec moi. Nick Sarko et tous ces Hanza. J'suis pour les meufs qui sont sérieuses. Comme au bled représente les meufs sérieuses. Mariée déjà à 18 ans hala. Mais si c'est un peu de retard, prends vite ton choix. Pareillement pour les bonhommes. Faut pas laisser des meufs en cloque et les laisser comme ça dans la lerga. C'est morsaille de truand de la lerga. J'explique, c'est ma signature roya. L'être humain est trop méchant, nous divise. Moi ma vie c'est je me battrai pour les sans-papiers. Toute ma vie je suis comme ça. Je suis un Algérois. Nique sa mère ceux qui nous aiment pas. L'Algérie trop beau pays. Toutes les meufs sont trop jolies. Morsaille représente son pays. Algérie, Algérie, Algérie, trop beau pays. Les filles sont trop trop jolies. Morsaille, je représente mon pays. L'Algérie, l'Algérie.